Chapitre 23e. Martinet ne boira plus. Entre-temps, Paulin Broquet vint plusieurs fois visiter à l'infirmerie du dépôt deux hommes de la bande des aides, pris après la bataille dans le hangar, et dont l'un était assez gravement blessé. Dans la vie ordinaire, cet homme était naturaliste. Il s'occupait de la conservation des oiseaux, et surtout de l'établissement, de la préparation de pièces anatomiques pour les laboratoires, les facultés. Il répondait au nom de Martinet. On le disait ancien étudiant en médecine, n'ayant pas poussé jusqu'à la thèse, et ayant trouvé en chemin le moyen de vivre en apprêtant les Maccabées, que disait-il, lui envoyait ses chers confrères. C'était au fond un brave homme, habile en son art, qui aurait pu arriver à quelque chose en chirurgie, car il était très intelligent, mais qui possédait au suprême degré de vices capitaux, la paresse et l'ivrognerie. Ne rien faire et boire, tout son bonheur était là. Faire le moins possible tout en gagnant beaucoup et boire le plus qu'il pouvait, c'était la règle de sa vie. Pour avoir de quoi boire, il était prêt à toutes les besognes qui rentraient dans son art et ne compromettait pas sa conscience car c'était un honnête homme, paresseux, ivrogne, mais honnête, il s'en trouve ainsi. Un homme comme lui devait facilement être la proie de Zigomar, habile à recruter ceux dont il avait besoin parmi les gens de tous les métiers, de toutes les professions, de tous les mondes. Zigomar, sachant qu'on ne fait marcher le genre humain que par ses vices, donna à Martinet de quoi satisfaire les siens, et cet homme fut à lui. De son côté, Paulin Broquet, aussi fin psychologue que son adversaire, aujourd'hui qu'il tenait Martinet, savait qu'il pouvait à son tour être le maître de l'homme de Zigomar, en le privant du moyen de suivre ses vices. Ne doutant pas que Martinet lui donnerait quelques renseignements précieux, il demanda au docteur, si toutefois cela ne contrariait pas le traitement, de supprimer dans le régime du détenu malade tout alcool et tout vin. Au bout de deux jours de ce régime, Martinet se sentait disposé à vendre son âme pour quelque chose à boire qui ne fût ni eau, ni lait, ni tisane. Dès lors, Paulin Broquet apparut comme le bienfaiteur en obtenant de l'infirmier un verre de Bordeaux pour le malade. Peu après, il gagnait la confiance de Martinet, et quand il lui promit du cognac, le naturaliste lui assura l'étalage de tous ses secrets. D'ailleurs, il n'était ni gros ni grave, ses secrets. Zigomar se gardait bien de confier à des individus de cette trempe quoi que ce fût de ses affaires qui pût le compromettre, lui causer de l'ennui plus tard. D'ailleurs, c'était la première fois qu'il prenait part à une expédition des aides, et encore ne savait-il pas très exactement ce qu'il avait fait, ni ce qu'on attendait de lui, ni pourquoi on lui avait fait endosser une cagoule noire. Il avait même cru qu'au fond de tout cela, il n'y avait dans cette mascarade qu'une farce, qu'une soirée de joyeux vivants et légèrement gris. Il avait pris place dans la bande et suivi les aides, cherchant où se trouvait le buffet dans ce singulier bal, et trouvant que les rafraîchissements y étaient fort rares. Il est certain que Zigomar pensait, sans rien lui en avoir dit encore, à utiliser son talent de découpeur, de chirurgien pour une sinistre besogne. Paulin Broquet finit donc par obtenir de l'ivrogne qui lui narra quelques aventures de sa vie, car bien entendu Martinet ne concevait pas le moindre soupçon qu'il eût affaire à Zigomar. Mais déjà le détective savait, avait deviné que celui qui avait détaché la tête de Carmen D'Amata, c'était ce Martinet. Il voulait seulement savoir comment cela s'était fait. Habilement, forçant la dose de cognac, il amena Martinet à lui faire le récit de cette funèbre opération. Le lit dans lequel gisait Martinet occupait un des coins au bout de la salle d'infirmerie. Paulin Broquet l'avait fait attribuer à l'ivrogne pour qu'il fût un peu à l'écart, afin de pouvoir parler avec lui plus facilement, sans que les autres malades, parmi lesquels se trouvaient deux ou trois aides, entendissent ses paroles. Naturellement, le détective ne se présentait pas sous son apparence habituelle de Paulin Broquet. Il prenait le personnage d'un docteur attaché à l'établissement, et il faisait parler Martinet aussi bas que possible. La scène macabre se passa chez Carmen D'Amata, comme Paulin Broquet l'imaginait, et le récit de l'ivrogne ne fit que confirmer ses suppositions. « On m'a, dit Martinet, emmené dans une maison où il y avait une morte, une jeune femme. Elle était morte depuis deux jours, de la phtisie. J'ai vu cela du premier coup d'œil. » Paulin Broquet se souvint de ses pronostics devant la tête, sur la table de marbre de la morgue. Les paroles de Martinet, comme les déclarations du docteur Robert, corroboraient ses déductions. « Décès en règle, reprit Martinet, permis d'inhumer parfaitement établi. L'enterrement était pour le matin même. On avait donc déjà mis cette jeune femme dans le cercueil. Il n'y avait plus qu'à visser le couvercle. Qui se trouvait autour d'elle pour la veillée funèbre? Deux personnes seulement. Un homme jeune encore, très élégant. Le mari. Ou l'amant, on ne sait jamais. Mais il ne me paraissait pas affreusement affecté. Puis l'oncle de cet homme. L'oncle. Un gentilhomme encore plus chic, avec une superbe barbe blanche. Paulin Broquet savait qu'il s'agissait du comte de la Guérinière et de son oncle, le décoratif baron Dupont. Martinet poursuivit. Ce que les gentlemen attendaient de moi était assez bizarre. Ils me demandèrent de décoller la tête. Sous quel prétexte? Pour en faire un moulage. Ils voulaient garder un souvenir aussi exact, aussi parfait que possible de cette figure qui avait été, qui était encore fort belle. Ensuite, je leur fis observer qu'on pouvait très bien prendre ce moulage sans décoller la tête. Ils prétendirent que non. Je m'offris à le faire immédiatement. Mais ils tinrent bon dans leur idée. Ils avaient un artiste spécial qui se chargeait de cela. Moi, ils me payaient uniquement pour enlever la tête. C'est un ami à moi, à qui je dois beaucoup, qui m'a fourni ce travail. Il m'avait prévenu. Je n'avais qu'à obéir pour ne pas déplaire à cet ami. D'ailleurs, j'étais bien rétribué. Puis ça ne constituait pas un délit, en somme, bien qu'il lui ait à peu près été impossible d'obtenir l'autorisation régulière de pratiquer une opération de ce genre. Bref, je me mis au travail. Et comme je suis assez habile, ça me demanda tout au plus 20 minutes. La tête fut proprement séparée du corps. Alors on me reconduisit chez moi en voiture et ce fut tout. Paulin Broquet demanda à Martinet. Vous ne savez pas comment s'appelait cette jeune femme? Ma foi, non. Si on vous montrait la tête, vous pourriez reconnaître la section que vous avez pratiquée parfaitement? Et si on vous montrait l'une ou l'autre des personnes qui se trouvaient auprès du cercueil, le neveu ou l'oncle, sauriez-vous aussi les reconnaître? Je crois que cela me serait facile. Bien? Paulin Broquet allait poser encore quelques questions à Martinet, mais l'arrivée d'autres médecins, d'infirmiers prenant leur service, l'en empêcha. « À demain, » dit-il à Martinet. « À demain. Dites-moi, aurais-je encore du cognac? Bien entendu. Alors ça va. » L'ivrogne s'enfonça dans son lit. Il allait béatement attendre le lendemain, qui lui apporterait encore quelques verres d'alcool. Mais au matin, à la première heure, quand les infirmiers firent la ronde pour préparer les malades à la visite des médecins, ils trouvèrent Martinet mort dans son lit. Il avait été étranglé avec la corde qui, attachée au haut du lit, sert au moyen d'une poignée de bois au malade pour se remuer, se soulever. La corde serrait le cou de l'ivrogne et le retenait à l'une des barres de fer du lit. Zigomar était passé par là. Il avait encore puni un traître. Paulin Broquet ne se livra pas pour cette affaire nouvelle à une enquête. Elle n'eut rien amené de sensationnel. Les aides qui se trouvaient à l'infirmerie, et parmi lesquelles il eût pu découvrir le justicier, en avaient assez sur la conscience pour mériter les rigueurs de la loi. Aussi bien un autre héros de cette aventure retenait plus efficacement son attention. C'était Gaston Soclet. Le malheureux amant de Carmen D'Amata échappa par miracle à la mort horrible que lui ménageait son ami Amblard, alias Zigomar. Quand il tomba dans la cave du hangar, il eut la chance de choir sur l'échafaudage de brouettes, de caisses, de bois, dressées par la terreur d'Ordano, quand il voulait retenir le plancher mobile et empêcher Gabriel d'être assommé par ce qu'on allait faire dégringoler dans le trou, d'être étouffé par le ciment. On l'emporta toujours plongé dans son lourd et profond sommeil, dont vraiment rien ne paraissait pouvoir le tirer. Il se réveilla tard dans la journée dans une des cellules du dépôt où Paulin Broquet l'avait fait déposer sur un lit de fortune, ou si vous le préférez, d'infortune. Il fut long à se remettre, à comprendre ce qui lui arrivait. Quand il se vit enfin arrêté, prisonnier, il n'eut ni crise de désespoir, ni colère, ni abattement. Il demeura sur son lit et se mit à pleurer encore celle qu'il avait perdue et avec qui semblait s'être envolée sa conscience, sa raison d'être. Paulin Broquet, vers le soir, vint le voir. L'entretien entre ces deux hommes fut des plus émotionnants. Ah, dit douloureusement Gaston Soclet, je vous connais, monsieur Broquet. Je suis un de vos ennemis. Je vous ai combattu. Aujourd'hui, je ne sais comment ça se fait. Je suis en votre pouvoir. C'est de bonne guerre. Je passerai sans doute aux assises. Tant mieux. Je ne me défendrai pas. Et si vous pouvez me faire envoyer à l'échafaud, ah, que ce soit le plus tôt possible. Je vous dirai merci. Paulin Broquet laissa le malheureux amant exhaler sa douleur. Et puis, doucement, il lui dit « Il ne peut être question ici d'échafaud, de mort. Vous m'avez combattu, oui, je sais, mais je sais aussi autre chose. Que savez-vous? Que je suis un voleur, que j'ai fait des faux, que je suis un complice de Zigomar, un des chefs des aides, que j'ai pris part au crime du maître invisible. Oui, c'est vrai, je ne le nie pas. Je sais autre chose. Quoi donc? Pourquoi vous étiez dans la maison de cet homme? Je ne comprends pas. Je sais que Gaston Soclet, c'est moi. Oui, je sais que Gaston Soclet était un bon et brave garçon qui menait une vie modeste, mais régulière et honnête, jusqu'au jour où il rencontra Carmen D'Amata. À ce nom, Gaston Soclet se dressa d'un bond. Douloureusement, comme si quelque chose venait de le frapper en pleine poitrine, il répéta « Carmen, Carmen, Carmen D'Amata ». Je sais que pour subvenir aux besoins de Carmen D'Amata, vous avez fait tout cela. L'excuse, s'il y a excuse, se trouve non dans votre passion, mais dans la force de votre amour pour cette femme. Je l'aimais, oui. Je l'aimais au point que pour lui donner de quoi satisfaire à sa fantaisie, toute infamie me paraissait chose simple et naturelle. Tout crime me semblait non horrible, mais comme un devoir. Je l'aimais au point de lui sacrifier mon honneur, de lui donner ma vie, je sais. Et maintenant qu'elle n'est plus, moi-même je n'existe plus. Je sais. Je sais encore que tous les soirs vous allez en cachet de votre ami Amblard pleurer sur la tombe de Carmen D'Amata. Ah, vous savez. Et je sais ce que vous ignorez. Quoi donc? Que vous pleurez sur une tombe vide. Gaston Soclet regarda Paulin Broquet avec effarement. Oui, reprit le détective, vous pleurez sur une tombe vide. Parce que Carmen D'Amata n'est pas dans la tombe que vous couvrez de pleurs chaque jour, pas sous la pierre sur laquelle vous vous agenouillez. Gaston Soclet ne comprenait pas encore ce que voulait dire le détective. Carmen D'Amata, reprit Paulin Broquet, a comme vous été un instrument inconscient dans les mains du terrible bandit dont vous avez fait votre ami, Amblard. Zigomar, oui. Quelle façon Carmen n'eût-elle pu. Oh! La malheureuse créature s'était endormie douloureusement. Son sommeil ne devait jamais être troublé. Mais Zigomar avait besoin d'une femme blonde, d'une tête. Jolie et délicate, tête qu'on aima, tête qui aima. Il choisit Carmen D'Amata. Il ne recula pas devant le sacrilège, et Carmen D'Amata, arrachée à sa tombe, vint servir les odieux desseins de Zigomar. « Ah, monsieur Broquet !» s'écria Gaston Soclet. « Parlez, parlez plus clairement, je ne comprends pas. J'ai peur de comprendre. Parlez, parlez !» Voici. La tête de femme rousse qu'on a trouvée dans un terrain vague des environs des Buttes-Chaumont, eh bien, c'est la tête de Carmen D'Amata. Vous mentez, non? Vous mentez, vous dis-je, ou vous êtes fou? Non, je dis vrai. Dans votre haine pour Zigomar, vous voulez? Paulin Broquet lui saisit le poignet. Il le maintint ainsi solidement, le regardant dans les yeux et rapidement lui dit « Je n'ai pas de haine pour Zigomar. Je le combats parce que c'est l'ennemi de la société. » Parce que c'est un bandit terrible, le plus redoutable, le plus habile, le plus impitoyable des malfaiteurs que la terre ait porté. Je suis son ennemi parce que je suis moi, le serviteur de la loi. Je lutterai contre lui sans répit. Je poursuivrai le duel sans merci. Mais sachez que jamais je ne servirai d'armes qu'on ne puisse exposer en grand jour. Mais alors pourquoi parlez-vous de Carmen? Pourquoi dites-vous qu'elle était l'auxiliaire de Zigomar? Pourquoi mentez-vous devant moi qui pleure cette adorable femme? Parce que c'est la vérité, et que si invraisemblable que cela vous paraisse, je vous en donnerai sous peu la preuve irréfutable. Vous allez me montrer le caveau vide du cercueil de Carmen mieux que cela. Quoi donc? Je vous montrerai Carmen D'Amata elle-même. Gaston Soclet poussa un cri. Vivante? Carmen, vivante? Paulin Broquet ne répondit pas. Écoutez-moi. Si je vous montre ce que Zigomar a fait de Carmen D'Amata, si je vous fais voir comment il a contraint cette pauvre créature à servir ses odieux desseins, si je vous montre comment, reconnaissant votre amitié, il a traité le corps de celle que vous aimiez tant, si je vous montre le sacrilège ignoble commis par lui, consentiriez-vous à me donner tous les renseignements, toutes les indications que je vous demanderai? Gaston Soclet répondit « Je ne suis pas un traître. J'aimerais mieux me couper la langue entre les dents, mais je ne livrerai rien d'un ami. » si je vous montre que Zigomar a voulu vous assassiner, ça m'est égal. Que Zigomar vous a livré à moi, ça m'est égal encore. Qu'il a profané le corps de votre chair morte, alors oui. Alors oui. Si Amblar, si Zigomar a fait cela, s'il a touché un cheveu de ma morte adorée, Zigomar devient pour moi le plus vil, le plus méprisable, le dernier des hommes. S'il a profané ma morte, je veux le livrer. Je vous donnerai tous les renseignements que je possède. Moi, qui étais un des lieutenants de Zigomar, qui connais à peu près tous ses secrets, je vous dirai tout ce qu'il faudra pour le prendre, pour venger ma chère absente, pour le punir de son infamie. Paulin Broquet lui lâcha alors les mains. « C'est bien. Armez-vous de courage. Fortifiez votre cœur. Préparez votre âme à la plus terrible des épreuves. » Peu après, Paulin Broquet et Gaston Stockley quittaient le dépôt en auto. Ils se rendaient à la morgue. Gabriel et le docteur Robert mandés exprès les accompagnaient. La morse et quelques hommes organisaient le service de surveillance autour de la voiture. Monsieur Urbain, juge d'instruction, et M. Baumier, chef de la sûreté, prévenu par Paulin Broquet, l'avait précédé à la morgue, où tout était disposé pour l'angoissante confrontation. Sur la grande table de marbre, le corps de Carmen D'Amata était étendu. On l'avait sorti de la glacière et recouvert de son suaire, qui le masquait entièrement, laissant à peine deviner sa forme sous les longs plis. On eût dit d'un bloc de marbre portant seulement les indications de la statue qu'on allait en tirer. Dans un coin de la salle, debout, appuyé contre le mur, se trouvait le cercueil de chêne capitonné de satin blanc. Paulin Broquet, qui conduisait Gaston Stockley, le fit d'abord arrêter devant le cercueil pour graduer les étapes de ce calvaire spécialement et atrocement douloureux. « Reconnaissez-vous ceci ? » lui demanda-t-il. « Tous les cercueils se ressemblent, mais le capitonnage de satin, les dentelles de celui dans lequel l'actrice, la jolie femme qui avait vécu dans les fanfreluches allait à jamais dormir, l'amant qui avait voulu qu'on ornât cette suprême demeure comme il se plaisait à parer l'appartement, la loge au théâtre, l'amant désolé, devait les reconnaître. Il avança les mains, toucha tout cela en tremblant avec un sentiment de respect, d'amour et de terreur. « Oui, oui, » fit-il, « je reconnais. « Bon, venez, » lui dit Paulin Broquet, l'entraînant. « Du courage maintenant. » Il l'amena devant la table de marbre. « Voici, » lui dit-il doucement, « le corps de Carmen D'Amata. » Lentement, il souleva le suaire. Il découvrit les pieds chaussés de souliers de seine que montrait la robe de danse également pailletée d'argent, sous un transparent de dentelle précieuse. Et au fur et à mesure que le suaire se levait, découvrant un peu du corps, Gaston Stockley, comme attiré, se penchait sur sa chair morte, reconnaissait les vêtements et redisait entre des sanglots. « Oui, ce sont ses souliers, oui, ses bas de soie, les plus fins qui fussent au monde, moins fins, moins doux que sa peau de blonde, ma Carmen. » Il dit, « Souvent, parfois, elle ne chaussait qu'une jambe, et me fermant les yeux de ses mains, elle me disait à deviner quel était le pied ganté. Je perdais toujours le pari. Ma chérie, ma pauvre aimée. » Le docteur Robert se tenait auprès de lui, prêt à lui porter secours si l'émotion trop forte l'accablait. Mais la douleur seule parlait, la douleur du souvenir de tous ces détails d'amour. Paulin Broquet souleva encore le suaire. Les mains parurent. Elle tenait des fleurs, et ces fleurs, dans l'humidité de la tombe, dans le froid de la glacière, s'étaient conservées, jolies et comme nouvellement coupées. Ah, ses mains, ses bagues, ses bracelets. Ses mains si caressantes, si douces. Ses mains qui savaient se poser comme un baiser. Ses mains que je tenais dans les miennes pour les embrasser, pour les réchauffer quand elles se glaçaient, les chères mains de l'aimer. Ses mains qui étaient le berceau où mon cœur se plaisait. Ses mains, les mains de mon aimé, oh, ses mains. Il voulut les prendre, les soulever pour les porter à ses lèvres, mais ses mains, ses poignets, ses bras gelés, raidis par le froid, ne bougèrent pas plus que s'ils eussent été de marbre. Alors il se pencha pour les baiser, mais aussitôt il se releva. « Oh ! Qu'elles sont froides ! Glacées ! Glacées ! Plus froides que quand elles souffraient ! Plus glacées que quand elles s'endormit pour toujours ! Il me semble que ma Carmen est maintenant deux fois morte. Ma Carmen, mon aimée !» Paulin Broquet se tourna vers lui. « C'est maintenant que je fais appel à tout votre courage. à toute votre énergie, à toute votre science. Regardez. Regardez ce que Zigomar a fait de celle que vous aimiez tant. » Doucement, Paulin Broquet souleva le dernier coin du suaire. Il découvrit le buste, puis la poitrine, puis les épaules. Et le suaire écarté, plus rien n'apparut sur la table de marbre. Gaston Soclet, qui avait suivi le mouvement du détective en pleurant, en parlant toujours à la morte adorée, regardait maintenant, muet, stupéfait. Il ne comprenait pas. Puis l'appela. « Carmen ? Carmen ?» Comme si tout à coup celle qu'il voyait ou qu'il s'attendait à voir disparaissait. Il appela encore plus fort chaque fois. « Carmen ! Voyons, Carmen !» Il ajouta, mécontent et affectueusement grondeur. « Voyons, Carmen, ma Carmen, pourquoi te cacher ?» Alors il se pencha sur le corps, il vit la section du col, et il se redressa d'un bond épouvanté. « La tête » cria-t-il. « La tête !» Paulin Broquet découvrit la tête qu'un aide venait de déposer sur la table. Gaston Soclet regarda cette tête. « Ça ? Ça, c'est Carmen ? Ma Carmen si jolie, si blonde, si douce, si aimée ? Ça, c'est ce que Zigomar a fait de ma Carmen ? C'est ma Carmen ?» Alors il se retourna vers ceux qui l'entouraient, et il partit d'un grand éclat de rire. « Ma Carmen, ça, c'est ma Carmen adorée. Carmen !» Gaston Soclet était devenu fou.